Bienvenue à Mélomane, l'émission pour vous, les fous de la musique sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 29 juin 2016 de Mélomane. J'espère que vous avez passé une belle semaine. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était juste avant la Saint-Jean, donc j'espère aussi que vous êtes amusé de ce côté-là. On s'était mis dans l'ambiance ici à Mélomane. D'ailleurs, gros merci de vos bons commentaires. Vous étiez nombreux au rendez-vous. On aime ça, surtout pour un show de la Saint-Jean. Mais ce soir, vous le savez, on a fait beaucoup de spéciaux en tout genre dernièrement. Je me suis dit que ça nous ferait du bien de revenir pour ce soir un bon vieux varié. Donc ce soir, un Mélomane varié format classique. Mais attention, varié découverte. Un peu plus d'obscurité, on pourrait dire, pour cette émission-ci. C'est le temps de découvrir des chansons et des artistes que vous allez connaître par moment, mais souvent avec des chansons moins connues. Mais ça sera pas ennuyant pour autant. Au contraire, de toute façon, il va y avoir des hits quand même. On peut pas s'empêcher d'en mettre. Et d'ailleurs, on commence ça tout de suite avec les McCoys, 99.1 CFNJ. Come on, well, it feels so good. en studio de nuit. Il prend le frais en fumant mes cigares. Vraiment, il faut le voir pour le croire. Mes amis, venez à la maison. Il y a un éléphant sur mon balcon. Il avale tout mon bourbon. Assis sur mes feuilles, il siffle une chanson. A-t-il fait pour monter chez moi? L'ascenseur ne marche pas. Quoi qu'il en soit, j'en suis très très heureux. Je vais mettre le couvert aux deux. Attention, panique dans la maison. Il y a un éléphant sur mon balcon. Il fait peur à tous les piétons. Moi, il me fait bien rire avec sa chanson. Un éléphant sur mon balcon. Et je viens d'en avoir la raison. La société protectrice des animaux a des pensionnaires en trop. On m'a téléphoné de Bamako. Une voix disait: allô, allô, cher monsieur, quelles sont vos impressions d'avoir un éléphant sur votre balcon? Moi j'ai répondu aussitôt: je vous remercie pour ce petit cadeau. Senta me chi do faffa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, vuoi sente disturba, tu avvaloro che andrò, tu gioco a pese vuoi, ma è sorte pecca a me, chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi far l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senza me non c'è sta niente a fa, ok, Napoli. l'America, tu non fa l'America. We should have a rock and roll, we should have a rock and roll, we should have a rock and roll, we should have a rock and roll. CFNG. The name game. Shirley, Shirley, Shirley, Bo Burley, Bonanna, Banana, Bo Burley, Fee, Fire, Mo Merley. Shirley. Lincoln, Lincoln, Lincoln, Bo Bingan, Bonanna, Banana, Bo Bingan, Fee, Fire, Mo Mingan. Lincoln. Come on, everybody. I say now let's play a game. I bet you I could make a rhyme out of anybody's name. The first letter of the name I treat it like it wasn't there. But a B or an F or an M will appear. And then I say Bo at a B. Then I say the name. Then banana, fan, or an F. And then I say the name again with an F. A feet, fi and a moat. And then I say the name again with an M this time, and there isn't any name that I can't rhyme. Ono, Onel, Onel, Bobonel, Bonana, Fana, Bofonel, Fee, Fi, Momonel, Onel. But if the first two letters are ever the same, I drop them both, then say the name like Bob. Bob, drop the B's, Bo, Arbor. Drop the F's, Bo Red, or Mary, Mary. Drop the M's, Mo Airy. That's the only rule that is contrary. Okay? Now say Bo. Bo. Now Tony with a B. Tony. Then Banana, Founder, and Fo. Banana, Founder, Fo. Then you say the name again with an F very plain. Bo. Then a Fee, Fi, and a Mo. Fee, Fi, and Mo. Then you say the name again with an M this time. Mo. And there isn't any name that you can't rhyme. Boboni, banana, banana, bophony, fee, fi, momoni, Tony. Pretty good. Let's do Billy. Billy, Billy, bo illy, banana, banana, bo philly, fee, fi, mo milly. Billy. Very good. Let's do Marsha. Marsha, Marsha, bo basha, banana, banana, bo basha, fee, fi, mo asha. Marsha. A little trick with Nick. Nick, Nick, bo big, banana, banana, bo big, fee, fi, mo mick. Nick. Two, three, Billy. motion. If you get the notion, you can't stop the groove, cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. Put on your shaggy ring. CFNJ. My friends feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me. In my shoes, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. dying. You get me in a crowd of high-class people, and then you act real rude to me. On using me until you use me up, until you use me up. Talking about you using people, it all depends on what you do. It ain't too bad the way you use me, 'cause I sure am using you to do the thing. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et oui, mélomane varié, format classique ce soir, où on va entendre quelques obscurités comme Bill Withers, que vous connaissiez sûrement pour Ain't No Sunshine, ou Lean On Me, par exemple. Mais ici, on a entendu Use Me de 1972, très bonne chanson qui a peut-être marché un peu plus aux États-Unis, Lily. Les purs et durs vont peut-être la connaître. En fait, on n'était pas tant dans les obscurités que ça pour le premier bloc, parce qu'on a entendu des gros hits comme Shame, Shame, Shame de Shirley and Company, pièce de 74, et la Shirley en question, qui est en fait Shirley Goodman du duo Shirley and Lee, qu'on connaît pour le succès Let the Good Times Roll de 1956. On va chercher ça loin un peu, mais ben quand même, assez connu, Let the Good Times Roll, qu'on avait déjà écouté à l'émission, il y a un petit bout de ça. Et sinon, on a aussi entendu l'excellente Good Lovin' des Young Rascals en 66, qui suivait une autre Shirley. Manquait juste Shirley Theroux, finalement. En fait, il s'agissait de Shirley Ellis avec The Name Game de 64, cette fois-ci. Un genre de chanson que les petites filles de l'époque chantaient en faisant de la corde à danser, un peu comme les mois de l'année. En tout cas, ça vous donne peut-être une petite idée de genre de chanson. On était évidemment dans le joyeux monde des One Hit Wonders. Deux chansons d'ailleurs qui avaient joué, si je ne me trompe pas, dans L'été de mes 11 ans, premier film. Donc, en tout cas, des chansons de cette époque-là. On a entendu, par contre, un succès, on pourrait dire, de la chanson napolitaine moderne, parce que ça nous vient de 1956 et qu'on s'entend que la plupart des classiques de la chanson napolitaine datent d'avant ça. On a juste à penser à O Sole Mio, qui date de 1898, par exemple. Bref, nous, on a entendu une satire de l'américanisation des Italiens de l'après-guerre avec « Tu vuo fa l'americano ». Attention, version Sophia Loren, et oui, l'actrice qui nous chantait ça dans « C'est arrivé à Naples ».« It started in Naples » en 1960. Et sinon, mais Roger Whittaker avec son classique « Un éléphant sur mon balcon » de 1970, qui suivait notre première de la soirée, qui n'est pas une obscurité du tout, de McCoys avec « Hang on Sloopy », gros hit de 1965. Et nous, eh bien, on y retourne avec un gars qu'on connaît pas, mais sa chanson, elle, on la connaît. On écoute Jimmy Bohorn, 99 ans, CFNJ. I need it everywhere. devais manquer d'un tamis de prisonnière. Pourquoi tu fuis et où tu vas? Pourquoi tu fuis et où tu vas? Tu n'as pas d'avion ni de bateau pour t'en aller. Les illusions qui restent sont comme un radeau qui va couler. CFNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. I'll be around. mind go away today. I don't feel much like dancing. Some man's gone, he's tried to run my life. He don't know what he's asking. When he tells me I better get in line, I can't hear what he's saying. When I grow up, I'm gonna make it mine. These ain't dues I've been paying. Well, how much does it cost? I'll buy it. The time is all we've lost. I'll try it. And he can't even run his own life. I'll be damned if you run mine. Sunshine, sunshine, go away today. I don't feel much like dancing. Some man's gone, he's tried to run my life. You don't know what he's asking. Working starts to make me wonder where the fruits of what I do are growing. He says in love and war all is fair, but he's got cards he ain't showing. How much does it cost? I'll buy it. The time is all we've lost. I'll try it. And he can't even run his own life. I'll be damned if you run mine. Sunshine, sunshine, come on back another day. I promise you I'll be singing. This old world, she's gonna turn around. Brand new bells will be ringing. shaving 10 for 2. And what else can the judges do? Mélomane au 99.1 et 88.9 CFNJ ou en direct sur CFNJ.net. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de vous joindre à nous. Et comme on disait ce soir, un peu plus d'obscurité qu'à l'habitude, ça en prend aussi. Mais quand même des artistes que vous connaissez à travers tout ça, comme un certain monsieur John Lennon, qu'on vient d'entendre avec John Sinclair de 72, mais qui date d'avant ça, une chanson qui reliait une histoire que les fans connaissent bien, le John Sinclair en question, qui était un homme, un poète en fait, qui s'était fait arrêter pour avoir donné 2 joints à un policier en civil. Donc jusque-là, tout est normal, mais le problème, c'est que la sentence du gars va être de 10 ans. Donc ça va créer tout un tollé dans la contre-culture de l'époque. Et longue histoire courte, la chanson de John Lennon va finir par avoir assez de poids pour le faire libérer, chose que le gouvernement américain de l'époque ne va pas trop apprécier. D'ailleurs, je vous encourage fortement à regarder le documentaire de US versus John Lennon. Je vous garantis qu'il y a plusieurs choses qui vont vous surprendre là-dedans. Bref, si on revient à nos moutons, on a aussi entendu les magnifiques Beach Boys avec leur reprise de Hushabye de 64. On avait entendu la version originale dans le Méloman rétro il n'y a pas si longtemps. Et là, une vraie petite obscurité avec Jonathan Edwards et son Sunshine Go Away Today de 71 qui suivait les Spinners avec I'll Be Around, un vrai petit bijou classique de 72. Et sinon, un classique de mélomane, Jeannette, chanteuse espagnole avec la version française de Por qué te vas, soit Pourquoi tu vis, enregistré en 74 mais sorti en 76. Et tout ça qui suivait, bien sûr, Gimme Some de Jimmy Bohorn en 1975. Et nous autres, c'est là qu'on prend le champ dans l'incongruité la plus totale. On écoute une vieille chanson composée par nul autre que la légende

bug since you went away. Poor weaver, poor weaver, why did you go and stay? You get a lick in sores, I'm seated on a bill of hay. Since you went away. Oh weaver, why'd you go on stage? Mama gonna whip you tours, I'm sitting on your bill of hay. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Start to show. Is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. All right. Yeah. My heart has love enough for two, more than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they're yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. So help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word. Avec vous, partout dans la Nantière, CFNJ 99.1, 89.1 météo. Centre et sud de la Nantière, quelques averses qui cessent au cours des prochaines heures avec un minimum de 13. Jeudi, ensoleillé, maximum 28 et averse vendredi, maximum 28 degrés. Les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs. Quelques averses qui cessent au cours des prochaines heures. Ça se dégage cette nuit, minimum de 9. Jeudi, ensoleillé, maximum de 27 et averses vendredi, maximum 26. CFNJ et est toujours en plein mélomane au 99.1 et 88.9 CFNJ, où encore une fois, on tire dans toutes les directions ce soir. Loverboy, groupe canadien qu'on vient d'entendre en 81, avec When It's Over, qui suivait de manière tout à fait inattendue, nul autre que Tom Jones avec Help Yourself de 1968. Donc, comme on disait, des petites un peu plus obscures qu'à l'habitude, soir, on aurait pu faire jouer un gros hit plus connu. Mais c'est le fun de faire des découvertes de temps en temps, comme Robert Aflack, qu'on connaît mieux pour Killing Me Softly, ou encore The First Time Ever I Saw Your Face. Mais j'ai décidé de vous faire jouer le classique Feel Like Making Love, qu'on entend un peu moins souvent, chanson de 74, qui suivait Monsieur Fats Domino avec Beau Weevil de 1956. Fats Domino qu'on avait failli perdre à l'ouragan Katrina, mais qui, heureusement, est toujours bien vivant au jeune âge de 88 ans. Et sinon, on a entendu la magnifique Perfect Day de Lou Reed, qui, lui, malheureusement, est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps, en 2013. Bref, Lou Reed, membre fondateur du Velvet Underground, avec un extrait de son excellent album The Transformer, produit par Bowie en 72, et une chanson Perfect Day qui avait été remise au goût du jour grâce au fameux film Trainspotting en 96, et le tout amorcé par Puttin' on the Ritz version 1982 de Taco, de qui on a parlé tantôt. Donc ça se promène pas mal ce soir, comme disait Forrest Gump, mélomane c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. Pis c'est bon, à maudit, on écoute le boss Bruce Springsteen au 99.1 CFNJ. Felt I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? lose a few pounds. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high. Way up firm and high. Out past the cornfields where the winds got heavy, out in the back seat of my 60 Chevy, working on mysteries without any clues, working on our night moves, trying to make some front page driving news, working on our night moves. In the summertime, sweet summertime. We were in love, oh no, far from. We were searching for some pie in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could, back room to the alley or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on our night moves, trying to lose the awkward teenage blues, working on our night moves. And it was summertime. The lightning, yeah. Waited on the thunder. Waited on the thunder. I woke last night to the sound of thunder. How far off, I sat and wondered. Started humming a song from 1962. Ain't it funny how the night moves, when you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves, with autumn closing in. Night moves. Night moves. Yeah. Night moves. 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie.

evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Oh, I can't live if living is without you. I can't live, I can't give any. Well, I can't forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et de retour d'un autre bloc assez éclectique, merci Harry Nilsson, qu'on vient d'entendre avec un de ses plus gros succès en carrière. Et ironiquement, il s'agit d'une reprise, lui qui était si bon compositeur, Without You, de 1971, reprise du groupe Badfinger, premier groupe en passant signé chez Apple, fameuse étiquette de disque des Beatles. Et donc Without You, qui va aussi plus tard être un gros succès pour Mariah Carey dans les années 90. Et on ratisse assez large, parce qu'avant ça, on a entendu ni plus ni moins un hymne de la communauté gay des années 80, soit Small Town Boy de Bronski Beat de 1984, une des premières chansons à être ouvertement gay. Et disons qu'en 84, c'était pas nécessairement la même game qu'aujourd'hui. On a aussi entendu les seuls et uniques de Cure au tout début de leur carrière en 79 avec Killing an Arab. Qui, n'ayez crainte, n'est pas une chanson qui encourage à tuer des Arabes, mais qui est plutôt basée sur rien de moins que L'étranger d'Albert Camus, grand classique de la littérature. Et sinon, complètement ailleurs, avec une rareté des Bee Gees enregistrée en 96, mais il va falloir... Ah, qu'est-ce que je dis là? En 66, pardon, mais il va falloir attendre jusqu'en 70 sur une compilation de chansons rares pour entendre la très belle Morning of My Life in the Morning, qui est depuis devenu un classique du répertoire des Bee Gees et qui suivait ce soir une pièce de guitare classique légendaire parce que de composition anonyme. Donc, on ne sait pas c'est qui a composé ça et qui, un peu à cause de ça, a eu plusieurs noms au fil des années. Souvent, on voit le nom Romance, Romance, Romanza ou Spanish Romance, mais au Québec, on l'a souvent appelé « Les Jeux interdits » de par son inclusion dans le film français du même nom. Et c'est exactement ça qu'on a entendu le guitariste Narciso Yepes en 1952, qui d'ailleurs s'était faussement réclamé compositeur du morceau. On a prouvé que c'était impossible plus tard. C'est pas beau ça, Narciso. Et sinon, l'Amérique profonde avec Bob Seger and the Silver Bullet Band en 76 avec Night Moves, qui suivait Bruce Springsteen assez tard dans sa carrière quand même avec un single de 94, Streets of Philadelphia, thème du film Philadelphia avec Tom Hanks, sorti juste un peu avant en 93. Et nous, on continue notre voyage imprévisible avec Jeff Beck, 99 ans, CFNJ. You're everywhere and nowhere, baby. That's where you're at. Going down a bumpy hillside in your hippie hat. Flying across the country and getting fat. Saying everything is groovy when your tires are flat. 99.1 et 88.9 CFNJ. Some afternoon delight. My motto's always been, when it's right, why wait until the middle of a cold dark night? When everything's a little clearer in the light of day, and we know the night is always gonna be here anyway. Thinking of you's working up my appetite, looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together make the sparks ignite, and the thought of loving you is getting so exciting. Sky rockets in flight, afternoon delight. Didn't fight, but you got some beta waiting, and I think I might like never in a little afternoon delight. Sky rockets in flight, afternoon delight. He's working up an appetite, looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together make a spark ignite, and the thought of rubbing you is getting so exciting. Sky rockets in flight, afternoon delight. You can't hide your lying eyes, and you're fading, 'cause he makes her feel the way she used to feel. She rushes to his arms, they fall together. She whispers, it's only for a while. She swears that soon she'll be coming back. Herself a strong one and stares out at the stars up in the sky. Another night, it's gonna be a long one. She draws a shade and hangs her head to cry. She wonders how it ever this crazy. She thinks about a boy she knew in school. Did she get tired or did she just get lazy? She's so far gone, she feels just like a fool. Sud de la Naudière, quelques averses qui cessent au cours des prochaines heures avec un minimum de 13. Jeudi, ensoleillé, maximum 28 et averses vendredi, maximum 28 degrés. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et les environs, quelques averses qui cessent au cours des prochaines heures, ça se dégage cette nuit, minimum de 9. Jeudi, ensoleillé, maximum de 27 et averses vendredi, maximum 26. CFNJ 99A. Thank you. me what is right for me. Yeah. I need a drink and a quick decision. Now it's up to me. Ooh, what will be me? She's gone. She's gone. Oh, I better learn how to face it. She's gone. She's gone. Oh, I pay the devil to replace her. She's gone. And she's gone. Oh, I, what went wrong? Get up in the morning, look in the mirror. There's a toothbrush hanging in the stand, yeah. My face ain't looking any younger. Now I can see love taking her toll on me. She's gone, she's gone. Oh, I better learn how to face it. She's gone, she's gone. The devil to replace her. She's gone, oh, I, what went wrong? Think I'll spend eternity in the city. Let the carbon and monoxide draw my thoughts away. Your pretty bodies help dissolve my memories. They can never be what she was to me. She's gone, she's gone. Oh, I better learn how to face it. She's gone, she's gone. Oh, I pay the devil to replace her. She's gone, and she's gone. Oh, I, what went wrong? Stay with me. 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 et Loving You de Minnie Riperton en 1975 qu'on vient d'entendre. Une chanson qui va utiliser ce qu'on va appeler la voix de sifflet. Très aigu, qui est en fait le registre le plus aigu de la voix humaine. C'est beaucoup utilisé en opéra, par exemple, mais dans le pop, on a souvent entendu, par exemple, Mariah Carey utiliser la fameuse voix de sifflet ou whistle register en anglais. Et petite anecdote en passant, c'était ce cher Stevie Wonder qui jouait du clavier en arrière-plan. Et sinon, deux chansons qui sont peut-être influencées l'une l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué les petites similitudes à gauche, à droite. Chose certaine, on serait porté à penser que c'est Queen qui a influencé Hall & Oates, mais c'est peut-être le contraire, en fait, parce qu'on a entendu un des premiers hits d'Hall & Oates, She's Gone, sorti en album en 73 et en single en 74, qui suivait Queen avec You're My Best Friend, sorti en album en 75 et en single en 76. Donc, voyez-vous, peut-être que Queen se sont un peu inspirés d'Hall & Oates pour cette chanson-là. Hall & Oates qui d'ailleurs viennent de faire le Centre Bell le 21 juin. Vous aviez entendu parler du concours sur les ondes de CFNJ sans doute. Et sinon, on était vraiment dans les années 70, bord en bord. Tangente un peu country avec les Eagles, avec Lion Eyes de 75, composition de Don Henley et Glenn Frey qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et toujours tangente un peu country, le classique Afternoon Delight du Starland Vocal Band en 76. Et j'avoue, je vais chercher ça un peu loin. Blue Image avec Ride Captain Ride de 1970 qui suivait Jeff Beck avec sa reprise de Hi-Ho Silver Lining de 1967. Donc, on se tourne vers le passé pour faire des découvertes ensemble. C'est pas une mauvaise chose, mais là, pourquoi pas un petit hit du groupe Trio. Toujours au 99.1, c'est FNJ. Mit dir, mein Schatz, aha. Geht es immer nur bergab, aha. Gib nur das, was du verstehst, aha. This is what you got to know. Love you don't didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Da da da. Da da da. Da da da. Da da da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Da, da, da. CFNJ 99.1 et 88.9. À vous, partout dans la Naudière.

Chandler, toujours au 99.1 et 88.9 CFNJ. Gene Chandler, qui est le tout premier artiste qu'on a entendu dans la première émission de Méloman, c'est pas rien. On l'avait entendu avec le gros hit Duke of Earl. Mais ce soir, vous le savez, on est plus dans les obscurités. Mais attention, qui dit obscurité dit souvent merveille. Et la petite merveille, dans ce cas-ci, c'était Groovy Situation de 1970. Qui suivait une pièce de guitare classique, la deuxième ce soir, soit Classical Gas de Mason Williams en 1968, qui est pas mal devenu un classique du répertoire depuis le temps. On a aussi réentendu ce cher Bill Withers, qui nous fait deux fois plutôt qu'une l'honneur de sa présence. C'est pour ça qu'on vous avez pu voir sa photo dans la pub de l'émission sur Facebook. Donc Bill Withers avec Lovely Day de 77. Et qui suivait Cleo's Mood de Junior Walker and the All-Stars en 62. Un groupe signé chez Motown, une étiquette qu'on a déjà explorée à l'émission. Et sinon, eh bien, on s'est promené pas mal jusqu'au début 80, 1981, avec les fameux Chariots of Fire de Vangelis. Vangelis qui est vraiment court à comparer à son vrai nom, vous regarderez ça. Thème du film du même nom qui suivait en 82 le groupe allemand Trio. à ne pas confondre avec le groupe français plus récent, écrit avec un Y, avec évidemment Da Da Da, une chanson qu'à peu près tout le monde connaît. Et parlant de chansons que tout le monde connaît, on écoute à l'instant les Stampeders, 99.1, CFNJ. Could be right in time, and can you see? which way we should turn, together or alone. I can never see what's right, what is wrong. Did it take too long to see? Amy, what you wanna do? I think I could stay with you for a while, maybe longer if I do. What you want, you've had your way, and all the things you thought before just faded in the gray. Can you see that I don't know if it's you or if it's me? If it's one of us, I'm sure we both will see. Won't you look at me and tell me, Amy, what you wanna do? Stay with you for a while, maybe longer if I do. Longer if I do, yeah, now. Amy, what you wanna do? I think I could stay with you for a while, maybe longer if I do. I'd keep falling in and out of love with you. I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm a crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a-praying that you'll always be a-staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while I never really knowing why. I'm a-praying that you'll always be a-staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why, baby, I'm want you. Baby, I'ma need you. Oh, it took so long to find you, baby. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. You're crying at midnight. It ain't natural if you cry when at midnight. Into the wee small hours, long for the break of dawn. Oh Lord. What you're looking for. I seen her when you jumped at me, live from behind the door, and looked into my eyes. Your little star struck in the windows, in that Aquarius season, foreign bodies. Sunlight shines through the crack in the window pane and numbs in my brain. And the sunlight shines through the crack in the window pane, numbs my brain. Oh Lord. To open up the window and let me breathe. I said, open up the window and let me breathe. I'm looking down the street below, Lord. I cried for you. The cool room, light of the fool's room. The cool room, light of the fool's room. And I can almost smell your TV sheets, and I can almost smell your TV sheets on your sick bed. Gotta go. I gotta go. and he says, please stay. I want a drink of water. I want a drink of water. Go in the kitchen, get me a drink of water. Gotta go, baby. I send somebody around later. You know, we got Jan coming around here later with a bottle of wine for you, babe. But I gotta go. And I can almost smell your TV sheets. I can almost smell your TV sheets. TV. I gotta go. Send around a one and mumbles later on, eh? See what I can pick up for you, you know. Yeah, a few things going too. Don't worry about it, don't worry about it, don't worry. Just for fun, those days. things are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure. Et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ 89.1. Et c'est pas mal ce qui va faire office de dernier bloc pour ce soir, chers amis. Mais c'était tout un bloc dont je me voudrais de pas vous dire tout ce qu'on a entendu. Premièrement, celle qu'on vient d'entendre, vous l'avez reconnue, All By Myself, que Céline va reprendre évidemment, mais c'est la version originale d'Eric Carmen, qui nous venait du groupe de Raspberries en 75, qu'on a entendu ici. Eric Carmen, qui d'ailleurs s'était basé sur l'air de l'adagio du deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff, pour composer le couplet d'All By Myself. Vous aurez écouté ça, c'est exactement le même air. Ou tiens, je vais vous mettre un lien sur Facebook, ça va être encore plus simple. Et sinon, on a entendu juste avant Van Morrison, une chanson assez spéciale et passablement triste de Van Morrison, une rareté de 1967 qui s'appelle TB Sheets. TB qui est un synonyme, en fait, qui veut dire tuberculose, avec un Morrison qui s'adresse à sa compagne qui agonise dans son lit. Donc, pas super, super joyeux comme sujet, si vous avez porté attention aux paroles, mais très intense à la Van Morrison. Et juste avant ça, eh bien, on écoutait la radio des années 70 avec Baby I'ma Want You du groupe Bread en 71. Pure Prairie League avec Amy de 72 et encore une fois en 71, le gros classique Sweet City Woman des Stampeders. Et c'est là-dessus que se termine. Attendez une seconde, je vais vous arranger ça ici. Écoutez, c'est là-dessus que se termine notre émission ce soir. J'espère que vous avez fait des découvertes parce que c'était vraiment le but. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Mélomane, mercredi 21h. Et en vous souhaitant une belle semaine d'ici là, je vous laisse avec les Isley Brothers. 99 ans, CFNJ. Bonne nuit à vous.